Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 24 juin 2022. Voici les grands titres de cette édition. Les caisses communales de Kayanza et Gachikanoa en Provence Ngozi enregistrent une diminution des recettes mensuelles en termes de dizaines de millions depuis la fermeture des marchés de bétail. Et l'assistance en vivres octroyée aux réfugiés congolais de Moussassa en Provence Ngozi reste insuffisante, vous l'entendrez. Dans notre série de reportages sur la pénurie du sucre observée ces derniers temps, aujourd'hui l'on vous parle de son circuit de commercialisation depuis la société sucrière du Mosso, la Sosumo. Et la chronique environnement de ce vendredi est consacrée à la réfrigération. Ce sera à la fin de ce journal avec l'ingénieur Sylvestre Mandiakitsa. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. La commune Gachikanoa de la province Ngozi enregistre une perte de 70% de ses recettes mensuelles à cause de la fermeture de son marché de bétail et d'Ovielgua. Une fermeture due à l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift qui décime le bétail. Conséquence, selon l'administrateur communal, l'arrêt des projets d'investissement communaux car le peu perçu sert comme frais de fonctionnement. Théophile Nivizi demande de l'intervention de ses partenaires pour que certains de ses projets urgents puissent reprendre. Apollinaire Muzakara. Son marché de bétail d'Ovieyegua se tenait tous les mercredis et il connaissait une forte affluence des gens qui venaient vendre ou acheter des vaches, chèvres, moutons et autres en provenance de toutes les provinces du Burundi, voire des pays limitrophes. Selon l'administrateur communal, les recettes mensuelles issues de son marché sont estimées à plus de 20 millions de francs-bourg, soit plus de 70% du budget mensuel de cette commune. Cette entité territoriale accuse donc d'importantes pertes suite à la fermeture de son marché depuis plus de 2 mois dès l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift. L'exécution des projets d'investissement, dont le traçage des routes, la construction des classes et autres, sans oublier la préparation des pépinières d'arbres dont ceux fruitiers durant cet été, n'est plus possible selon Théophile Niviz. L'administrateur de la commune Gachikanoa demande à cet effet l'aide des bienfaiteurs à la réalisation de ces projets, notamment les plus urgents. De Gachikanoa, en province Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Même situation dans la caisse communale de Kayanza qui enregistre une diminution de 20 millions de francs burundais par mois des recettes depuis la fermeture du marché de bétail suite à la maladie qui a attaqué les bovins et caprins. Conséquence, les projets de développement de la commune ne sont plus réalisés convenablement. Gilbert Nyandoui, administrateur communal, demande au gouvernement burundais et à tout autre service habilité de veiller à la disponibilité du vaccin pour ce bétail afin que les portes du marché du bétail soient rouvertes. Je vous l'avais dit dans les titres, nous parlons de la pénurie du sucre. Aujourd'hui, la population ne trouve pas le sucre comme elle le voudrait. Le réseau de commercialisation du sucre a changé. Le sucre était obtenu dans les boutiques, mais ces jours-ci, il y a l'implication dans l'administration et certains Burundais interrogés déplorent ce schéma mis en place. Et c'est la deuxième partie de notre série de reportages sur ce sujet, et signé Apollodi Dusabe. Celui-ci est l'un des grossistes de la province Kayanza qui achète du sucre depuis la Sosumo, qui dit que la quantité qu'ils reçoivent est insuffisante. Aloïse Nekengulkiye, l'administrateur directeur général de la Sosumo, explique que l'entreprise ne se charge pas de la distribution du sucre chez la population. En grande partie, ce n'est pas la Sosumo qui distribue le sucre à la population. Nous donnons le sucre aux grossistes qui le relaient ensuite aux détaillants. Nous donnons aussi le sucre aux unités de transformation de jus et aux institutions étatiques. Autre information reçue au niveau de la Sosumo, c'est le prix d'achat pour le kilo du sucre qui reste inchangé, à savoir 2230 francs-bourg, tandis que certains détaillants vendent ce kilo même à 6000 ou à 7000 francs-bourg au lieu de 2500 francs-bourg reconnus par l'État. Il y a aussi des grossistes qui font de la spéculation et cela s'est illustré notamment par le cas de la province Lumonge en date du 25 mai 2022. Pendant une fouille et perquisition qui a été organisée par l'administration, plus de 3 tonnes ont été saisies. Dans l'entretemps, Douimana Silvestre, l'un des grossistes de la province Kayanza, dit que la quantité qu'ils reçoivent ces jours-ci est petite par rapport aux derniers jours. Auparavant, on obtenait 100 tonnes de sucre, mais ces jours-ci, on ne reçoit que 40, 30 ou 20 tonnes. Nous vendons cette petite quantité en collaboration avec l'administration qui fait en sorte que plus de ménages obtiennent du sucre. Mais sachez que cette quantité reste insignifiante. Un des détaillants en zone Bouiza de la mairie de Bujumbura dit pourquoi ces jours-ci, ils ne reçoivent plus le sucre à vendre. La plupart des fois, le sucre est détaillé par les grossistes et par conséquent, il ne parvient pas à tous les citoyens. Ce schéma de la distribution du sucre inquiète certains habitants de la mairie de Bujumbura. Il y a des fois où on voit un véhicule rempli de sucre, on décharge 10 sacs seulement et le reste est emporté. Notre inquiétude au moment de l'achat sur détail, chaque personne est obligée de présenter un cahier de ménage pour avoir un seul kilo de sucre. Un autre problème est que lorsqu'on attend d'être servi, il arrive qu'un policier chargé de la sécurité demande un peu d'argent pour qu'il te donne un kilo de sucre. Sinon, tu rentres sans avoir ce produit. Autre citoyen hors micro déplore la façon dont l'association distribue le sucre directement aux institutions étatiques comme l'armée, la présidence, la mutuelle, l'INSS et d'autres. Ces derniers suggèrent que les grossistes devraient donner le sucre aux détaillants pour que toute personne ait accès à ce produit. Apollonie Doussabé. L'assistance en vie octroyée aux réfugiés congolais de Moussassa en province Ngozi reste insuffisante et certains d'entre eux affirment que la petite somme d'argent obtenue chaque mois pour assurer d'autres besoins n'en couvre pas assez. Au moment où le chef de camp demande à son tour des maisons un peu spacieuses, le Haut Commissariat aux réfugiés répond qu'il y a des exigences à respecter pour éviter le désordre. C'est un reportage de Francine Ndihokougaïo de retour d'Ngozi. Elles viennent de passer une dizaine d'années dans le camp des réfugiés de Moussassa en commune Kidemba de la province Ngozi et disent que les aides humanitaires restent insuffisantes pour un mois, sans oublier le manque du bois de chauffage. Chaque famille bénéficie d'une somme de 13 000, une bouteille de l'huile et 3 kg de haricots, mais cela ne suffit pas. Ça nous aide pendant 3 semaines seulement. Cette somme d'argent nous aide à couvrir d'autres besoins, comme par exemple, nous pouvons acheter de la farine, mais ça reste insuffisant. 3 kg de haricots, c'est peu, ça nous aide. Pendant 3 semaines seulement. Nous avons un problème de manque de bois de chauffage. Il y a cela 5 mois. Nous n'avons pas d'habits, voire même des chaussures. Nous n'avons pas de moyens pour acheter du charbon, raison pour laquelle nous cherchons le bois de chauffage dans les forêts, même si reste insuffisante. Le chef de camp, Mugemanyi Kabatiza, évoque à son tour le problème de maisons exiguës et demande qu'il leur soit permis de les agrandir. Depuis 2007, nous avons accordé des petites maisonnettes où on octroyait à une famille de taille familiale 4-5, une maison de chambre et salon. Et aussi, actuellement, nous avons 15 ans où vous trouverez une famille de taille familiale 10, croupir dans une maisonnette, chambre et salon. Et ce qui engendre beaucoup de conséquences à nos jeunes adolescents, où les enfants sont obligés d'aller chercher là où passer la nuit, dans d'autres cellules, et les parents perdent le contrôle et la protection de nos jeunes filles et garçons. On demanderait au HCR, au gouvernement burundais, s'il y a l'espace de nous octroyer des maisons spacieuses. Au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'on indique qu'ils ne peuvent pas permettre à chaque réfugié de changer le plan de construction à sa guise, car il est soumis à des normes. Mais une famille de plus de 7 personnes a droit à une deuxième maison. À la question de savoir s'il y a moyen d'augmenter les quantités d'aliments, la réponse à cette problématique reste celle de faire recours aux activités génératrices de revenus. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Les micro-barrages d'irrigation en cours de construction à travers le projet de résilience des systèmes alimentaires au Burundi en cours d'exécution dans les provinces Ngaro, Muramvya et Gitega sont certaines des réalisations saluées par la population bénéficiaire. Lors de la visite de ces réalisations ce jeudi, certains bénéficiaires qui se sont entretenus avec notre reporter ont indiqué en outre qu'ils ont subi des formations sur les techniques agricoles modernes, ce qui a contribué à l'augmentation de la production selon eux. Les détails avec Jean de Dieu Irakotse. Nous sommes au bord de la rivière Mukuzi, puis précisément à l'endroit où l'on aménage le micro-barrage d'irrigation des champs se trouvant sur la colline Busimba de la commune et province Muramvya, à marge du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, à travers son projet de résilience des systèmes alimentaires au Burundi. Naishaki Salvatore, un des habitants de cette colline, salue ses travaux, lesquels, selon lui, leur permettront d'exploiter leurs champs pendant toutes les saisons. Avec ce barrage, nous allons exploiter nos champs pendant toutes les saisons. À l'aide de nos méthodes, les eaux ne parvenaient pas à destination. Ce projet va toucher beaucoup de citoyens. Avec un pareil micro-barrage également en cours d'aménagement pour l'irrigation sur la colline Nyambo de la commune Bukeye, les deux couvriront environ 50 hectares d'exploitation agricole. Un projet salué par Ali Kassim, directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans cette province. Selon lui, il s'agit de la plus-value au niveau économique pour la population de cette province. En tout, dans la province, ce projet est en train de nous aider à irriguer environ 51 hectares. Vous comprendrez qu'il y aura un régime d'augmentation des revenus des agriculteurs qui se trouvent sur les deux collines. À la colline Gisuru de la commune Guetta, dans la province Gitega, Jacqueline Hakizimana, présidente de la coopérative et soutenue par ce projet, ajoute que ce dernier leur a permis de pratiquer l'agriculture moderne. Avant, on cultivait en désordre et un facilitateur est venu nous enseigner les techniques agricoles modernes et le traçage des courbes de niveau. Après, ils nous ont enseigné la multiplication des plants d'arbres et la FAO nous a apporté des semences après avoir cherché et préparé un champ commun. Parmi les autres réalisations visitées, il y a notamment les hangars de stockage, le cheptel constitué de poules et une unité de transformation des produits agricoles. À une année de la clôture de ce projet, certains directeurs de bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage des zones couvertes trouvent que les efforts devraient être consentis sur la consolidation des acquis de ce projet. Jean de Dieu, il a causé la suppression de l'organe de régulation et de réconciliation des confessions religieuses et l'introduction de la réglementation sur les jours, les heures et les lieux de culte, tout en permettant aux fidèles de vaquer à leurs activités. L'exigence d'un certain niveau d'études élevées jusqu'au niveau baccalauréat pour les dirigeants des confessions religieuses constitue des innovations qu'apporte le projet de loi portant modification de la loi cadre organique des confessions religieuses sous analyse ce vendredi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, invité au palais des congrès de Kigobe, trouve que les églises qui ne respectent pas les heures réglementaires des cultes perturbent la quiétude de la population. Le corps diplomatique accrédité à Bujumbura, dont les ambassadeurs et les représentants du système des Nations Unies ont fait un don de sang ce vendredi. C'est dans une campagne qui s'inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée internationale des donateurs de sang. L'ambassadeur de l'Allemagne au Burundi indique qu'ils ont fait ce geste pour s'associer aux Burundais afin de sauver des vies. Suivez Dieter Reins. Pour cette occasion de collecte de sang, je suis très heureux de pouvoir assister avec mes collègues donc de la communauté internationale ici présente à Bujumbura, au Burundi, donc du système des Nations Unies, de la Banque mondiale et moi en tant que représentant du corps diplomatique au Burundi. C'est un vrai plaisir et je dirais c'est une chose qui est un peu va de soi, parce que c'est un signe de solidarité, un signe qu'on peut vraiment donner de manière assez facile, de donner quelques millilitres de son sang et notre sang, c'est une chose qui nous unit tous. Hein. C'est le même sang qui coule dans tous nos corps à travers le monde entier. Et voilà, je pense que dans ce sens-là et à cet esprit, c'est un bon signe de solidarité de notre part, de la communauté internationale avec le peuple du Burundi pour un peu atténuer les pénuries qui existent à cet égard un peu à travers le monde entier. C'est la même chose chez nous en Allemagne, on est toujours demandant des donneurs du sang. L'ambassadeur d'Allemagne au Burundi, Dieter Reins, le directeur général du Centre de transfusion sanguine, CNTS, affirme que le travail de collecte de sang est un travail quotidien, car la durée de vie du sang collecté est de 35 jours et appelle les Burundais à donner régulièrement du sang afin de sauver des vies. Et trois jeunes garçons de Lugazi, de la commune Bugenyuzi, en province Karusi, écopent d'un emprisonnement de 30 ans et paiement d'une indemnisation de 4 millions de francs burundais. Une peine prononcée par le tribunal de grande instance de Karusi lors d'un procès de flagrance ce jeudi. Ces trois jeunes, dont deux motards de la commune Bugenyuzi, sont accusés de tentative d'assassinat d'un de leurs collègues après lui avoir volé sa moto, de l'argent et son téléphone portable la nuit de mardi à mercredi. Ils l'ont poignardé, lui ont coupé la langue sans y parvenir avant de le laisser pensant qu'il était mort. Le procureur de la République avait requis une peine de 40 ans d'emprisonnement contre ces jeunes et leur exposition au public. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais dit dans les titres, nous parlons de la réfrigération qui favorise la conservation des aliments périssables. Explication de l'expert en réfrigération et environnement, ingénieur Sylvestre Mandirakiza précise que les aliments périmés polluent l'environnement par émission de gaz à effet de serre, comme le méthane. Alors pour protéger l'environnement et garder l'activité humaine, les frigoristes doivent intervenir dans le domaine de la réfrigération. Il l'a dit à Vestine Boutoui. La réfrigération est une technique indispensable pour atteindre le développement durable à travers la conservation des aliments périssables. Selon l'expert en réfrigération et environnement, le Burundi est encore en arrière par rapport aux autres pays dans ce secteur. Mais avec la sensibilisation mondiale sur le refroidissement durable, le pays commence à former des techniciens dans ce domaine. La réfrigération a alors des avantages. Ingénieur Sylvestre Manirakiza donne l'exemple de la conservation des produits périssables. Le refroidissement, la réfrigération, son avantage, c'est de garder nos aliments frais, nos aliments périssables. Les aliments périssables, comme je vous disais, ce sont des fruits, c'est la viande, le poisson, ce sont les légumes. Ces aliments, s'ils ne sont pas conservés, une journée, ils perdent leur valeur nutritionnelle. Alors, si on perd ces aliments, on perd beaucoup parce que ces aliments proviennent des ressources naturelles. Donc, nous avons intérêt à garder la nourriture frais pour que tout le monde puisse avoir à manger. L'autre avantage, c'est que ça protège l'environnement. Quand la nourriture est pourrie suite au manque de moyens de conservation, l'expert en réfrigération explique qu'une fois jetée dans la nature, ça produit des gaz à effet de serre, comme la méthane, qui pollue en effet la couche d'ozone. La nourriture, quand on le jette dehors, si on regarde le monde entier, quelle est la consommation journalière, par exemple, si on ne refroidissait pas, le stock de nourriture non refroidie jetée dans la nature constitue un danger pour la nature. Parce que ces produits sont des produits organiques, ils se transforment en gaz méthane ou autre gaz qui, une fois émis dans l'atmosphère, dérange beaucoup l'équilibre carbone. Donc, on dit que si on ne refroidissait pas, si on jetait la nourriture qui n'est pas consommée, mais dans le monde, les gaz à effet de serre émis seraient l'équivalent du troisième pays pollueur. Ingénieur Sylvestre Manelakiza reste convaincu qu'il est possible de continuer à exercer les activités de développement tout en protégeant l'environnement si on collabore avec les techniciens frigoristes. On peut regarder. Suite aux activités humaines, il y a toujours une émission directe ou indirecte de polluants. Alors, on peut concilier le développement et l'environnement. C'est ce qu'on appelle les technologies de développement durable pour que nos enfants, demain, puissent manger, demain, puissent exister en se développant tout en diminuant la pression sur la nature. Alors, ici chez nous, Nous appliquons ça, nous apprenons ça. Il y a une association de frigoristes qui suit les formations pour pouvoir appliquer cette technologie efficace pour éviter l'émission de gaz à effet de serre, pour réduire l'émission des polluants en général. La journée mondiale du froid est célébrée chaque année le 26 juin. Merci Vestine Boutoui, merci à Sylvestre Mandela Kiza pour ses éclairages. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.